الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد كنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Donc nous étions dans le chapitre des mérites du tawhid et les péchés qu'il permet d'expier. L'auteur a cité comme verset la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. L'iniquité voulue dans ce par ce verset, al-dhulm, l'injustice, c'est ash-shirku billah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, il y a deux bienfaits du tawhid qui sont cités: la guidée et la sécurité. Puis l'auteur a cité le hadith de Ubada ibn Samit radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abduhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqq wan nara haqq أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, unique sans associé, que Mohammed est son serviteur et son messager, que Isa est son serviteur et messager, sa parole qu'il a insufflée ou bien qu'il a envoyée à Maryam et une âme provenant de lui, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis quels que soient ses actes. Dans ce hadith, il y a le mérite du tawhid, et parmi ses mérites, le fait qu'il efface les péchés. Car celui qui vient avec cette bonne croyance, avec le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera le paradis, même s'il avait des manquements, même s'il avait certains péchés dont il ne sait pas repenti. On continue donc dans ce chapitre. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما أي البخاري ومسلم. Donc البخاري ومسلم rapportent un hadith de عتبان. هو عتبان ابن مالك ابن عمرو الأنصاري. مات في خلافة معاوية رضي الله عنه وعنهم أجمعين. هو بدري رضي الله عنه كمن سبق ذكرهم في الكتاب كلهم بدريون. عتبان بن مالك fait partie des gens qui ont participé à la bataille de Badr, comme les compagnons qui ont déjà été cités dans les hadiths précédents. عتبان رضي الله عنه présidait la prière dans son peuple. Et il venait voir de temps à autre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et assista à la prière avec lui. Mais il a perdu la vue, ou sa vue a grandement baissé. Donc il ne pouvait plus se rendre à la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donc demandé de le visiter. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a invité chez lui. Donc Itban radiallahu anhu a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui afin qu'il préside la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc accepté cette invitation et est venu avec un groupe de compagnons, parmi eux Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Itban, lorsqu'il est entré chez lui, où est-ce que tu veux que j'accomplisse la prière? Il lui a donc montré un endroit de la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 unités de prière. Et Itban avait honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons de par un repas. Et durant ce repas, certains ont cité un homme qui s'appelle Malik ibn Durshun. Malik ibn Durshun. فقال رجل هذا منافق. Lorsqu'un homme a entendu son nom dans l'assise, il a dit, celui-ci est un hypocrite. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit, ne dis pas cela. أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. N'a-t-il pas dit la ilaha illallah en recherchant par cela le visage d'Allah? Thumma dhakara al-hadith al-madhkur fi al-matn. Puis, la suite, c'est ce qu'il y a dans votre livre. Donc vous comprenez ici que l'auteur a cité une partie du hadith. Il a cité al-shahid, le témoin dans le hadith. Et ce qu'il y a avant, c'est en résumé ce que je viens de vous citer. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Certes, Allah interdit à l'enfer toute personne témoignant qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, ne recherchant par cela que le visage d'Allah. فإن الله حرم على النار مَنَعَ النَّارَ أَنْ تَمَسَّهَ. Donc Allah Azza wa Jalla a interdit au feu de l'enfer de toucher cette personne. وَتَحْرِيمُ النَّارِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ. L'interdiction au feu de l'enfer est de deux types. عند أهل السنة والجماعة جمعا بين الأدلة. Lorsqu'on unit l'ensemble des textes du Coran et de la Sunna, on voit que l'interdiction au feu de l'enfer est de deux types. Tahrimul mutlaq wa tahrimul khuloud. Tahrimul mutlaq, donc l'interdiction absolue. Et la deuxième sorte, c'est l'interdiction de s'y éterniser. Donc le premier type d'interdiction, c'est l'interdiction d'y entrer. Et le deuxième type, de s'y éterniser. Wal hadith yahtamilu al-amrayn. Et les deux formes peuvent entrer dans ce hadith. Fa kamalu at-tawhid yunji sahibahu min ad-dukhul. La perfection du tawhid empêche la personne d'entrer dans le feu de l'enfer. Wa qaliluhu yunji sahibahu min al-khulud. Et si il a du tawhid, même s'il a des manquements, alors ça l'empêchera de rester éternellement en enfer. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب. Et ce qu'on vient de citer est la sagesse pour laquelle l'auteur a mis ce hadith sous ce chapitre. Donc parmi les bienfaits du tawhid, le fait que ça empêche la personne d'entrer dans le feu de l'enfer ou de rester éternellement dans le feu de l'enfer. Celui donc qui parfait at-tawhid, n'entrera jamais dans le feu de l'enfer. Et celui qui meurt avec un peu de tawhid ne restera pas éternellement en enfer s'il y rentre. S'il y entre. إذن فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله في عموم القائل إذا جاء بشروطها. Donc Allah a interdit à l'enfer toute personne, donc cela est général, que ce soit un homme, une femme, toute personne témoignant qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Donc toute personne ayant prononcé l'attestation de foi avec ces conditions aura cette récompense. Aura cette récompense. Et parmi ces conditions, ce que nous cite ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yabtari bidhalika wajha Allah. Ay mukhlisan biha qalbuh. Donc celui qui recherche par cela le visage d'Allah, c'est celui qui est sincère. C'est celui qui est sincère. Wa man qalaha mukhlisan biha qalbuh sa'a ila matlubihi. وقام بالأسباب وبفعل الأسباب. Et celui qui est sincère, tu verras qu'il agira et qu'il recherchera en faisant les causes ce qu'il demande. Tu ne peux pas trouver une personne disant la ilaha illallah en ayant réuni les conditions, et parmi ces conditions la sincérité, puis ne lui voit yani puis on voit sur cette personne qu'il ne fait aucune action. Cela n'est pas possible. Celui qui réunit les conditions de la ilaha illallah, il agit forcément. Il agit forcément. Wa fi riwayatin lil hadith akhrajaha al-imam Ahmad من حديث أنس بن مالك قال بعد ذلك أو من قول أنس نعم قال بعد ذلك فما فرح المسلمون فرحا كفرحهم بما قال صلى الله عليه وسلم. Dans une autre version du hadith, après ce qu'on a cité ici, Anas ibn Malik, cette version là l'imam Ahmed la rapporte, Anas ibn Malik a dit: les musulmans ne se sont jamais réjouis comme ils se sont réjouis après avoir entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans n'ont jamais été heureux comme ils l'ont été de par la parole qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là, yawma idh. مناسبة الحديث للباب التوحيد من فضله تحريم صاحبه على النار. Donc parmi les bienfaits, pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre? Car parmi les bienfaits du tawhid, le fait qu'on l'empêche d'entrer dans le feu de l'enfer. L'adepte du tawhid sera préservé d'entrer dans le feu de l'enfer. Et s'il y entre, dû à ses manquements dans le tawhid, alors il n'y restera pas éternellement. Ma yustafadu min al-hadith, ce que nous pouvons tirer du hadith, fadlu al-tawhid, wa annahu yunji min an-nar, wa annahu yukaffiru adh-dhunub. De ce hadith, on tire les mérites de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve du feu de l'enfer et il efface les péchés. Il efface les péchés. ومن فوائد هذا الحديث لا يكفي في الإيمان مجرد النطق من غير اعتقاد بالقلب. De ce hadith on tire que ça ne suffit pas dans la foi de prononcer la parole sans croyance. Dans l'Iman, dans la foi, il ne suffit pas de prononcer une parole. Mais il faut également avoir la conviction dans son cœur. Contrairement à ce qu'on fait le munafiqoun. Contrairement à ce qu'on fait le munafiqoun. Ils ont prononcé l'attestation de foi, mais le cœur vide de toute croyance. Alors Allah Azza wa Jal a rejeté leur témoignage. والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله عز وجل les a démenti dans sourate al-munafiqun. Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Donc tu viens avec cette parole et tu la prononces. Et cette parole est en concordance avec la croyance que porte ton cœur. هذا مهم جدا. Parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a donc l'ikhlas, la sincérité. Tu dis la ilaha illallah, la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن فوائد هذا الحديث لا ينفع من العمل يوم القيامة إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. On tire de ce hadith que le jour du jugement dernier ne sera profitable que ce que nous avons fait sincèrement pour Allah. Le jour du jugement dernier ne sera profitable que les actions faites sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala, à la recherche de son agrément. Wa min fawa'id hadha al-hadith ithbatu sifati al-wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala. De ce hadith, une grande faïda qu'on peut tirer, l'affirmation d'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-wajh, le visage. De ce hadith, on tire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses attributs le visage. Khilafan lil-mu'attilah. Khilafan lil-mu'attilah. Kama qala المؤلف رحمه الله تعالى وفي نسخة خلافا للأشاعرة للأشاعرة. Et dans une autre version du livre de l'auteur, donc de ce hadith on tire l'affirmation du visage d'Allah contrairement aux négationnistes, c'est-à-dire ceux qui ont renié les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou ceux qu'Allah s'est affirmé ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nom et attribut. Dans une autre version du livre de l'auteur, contrairement à la secte de Al-Asha'ira. Al-Asha'ira. Ces gens-là ont affirmé les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont rejeté ces attributs, excepté sept, car ils ont pu les affirmer avec leur raison. Et ils ont beaucoup d'autres contradictions avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nastafid min hadha, ay min sani' al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nushu, aw nusha al-mu'allif للمسلمين بالتحذير من أهل البدع والمخالفين. Et de cela tu vois la voie des gens de science et des réformateurs, car ici l'auteur conseille les musulmans en les mettant en garde contre la voie de tous ceux qui ont contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, ceux qui ont renié des noms bien des attributs d'Allah Azza wa Jal. وفي هذا الحديث رد على الخوارج والمعتزلة والواعدية. Dans ce hadith, il y a une réfutation également aux khawarij et aux mu'tazila, ceux qui disent que lorsque la personne meurt en ayant des grands péchés, elle ira éternellement en enfer. On voit dans ce hadith que ça ne sera pas le cas. Celui qui meurt sur l'islam, même s'il a des péchés, il ne restera pas éternellement en enfer. Aucun musulman restera éternellement en enfer, bi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. وفيه أيضا رد على المرجئة الذين اقتفوا بالقول في مسألة الإيمان. Il y a également dans ce hadith une réfutation à al-murji'a, ceux qui parmi eux ont dit qu'on se contente pour définir la foi de dire que c'est une parole. Et on voit dans ce hadith que ça ne suffit pas la parole, mais il faut aussi la croyance. Et en unissant les textes, on voit que l'iman, qawlun bil lisan, wa atiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'ati ar-rahman, wa yanqusu bi ma'siyatihi wa ta'ati ash-shaytan. La foi, c'est une parole sur la langue, une croyance dans le cœur, et des actions avec les membres. Celle-ci augmente avec l'obéissance du tout miséricordieux, et diminue avec sa désobéissance. Voici la définition de la foi inda ahli sunnati wal jama'a. Voici pour ce hadith. Le hadith suivant an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala Musa ya Rabbi 'allimni shay'an adhkuruka wa ad'uuka bih. قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. عن أبي سعيد الخدري وسعيد ابن مالك ابن سنان الخدري الخزرجي هو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما. أبو سعيد s'appelle سعيد ابن مالك ابن سنان. C'est un صحابي de la tribu de الخزرج chez les Ansar. Et son père également est un sahabi. Donc lorsque tu cites un sahabi, tu demandes à ce qu'Allah Azza wa Jal l'agrée. Tu dis radiallahu anhu. Mais dans le cas où ce dernier est un sahabi et que son père également est un sahabi, tu invoqueras pour lui ainsi que son père en mettant la particule au duel en disant donc ou le dhamir radiallahu anhuma. Qu'Allah les agrée tous deux. Il est mort en l'an 74. L'auteur nous dit que ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et par Al-Hakim et que Al-Hakim l'a jugé comme étant authentique. وكذا النسائي في الكبرى والطبراني وابو نعيم وغيرهم. D'autres ont également rapporté ce hadith. من طريق دراج ابن سمعان. وهو ضعيف. Dans la chaîne de transmission, il y a un homme qui s'appelle دراج ابن سمعان. Il est faible dans le hadith. وفي الرواية قال بعض أهل العلم مناكر، وضعفه إذن جمع من أهل العلم. Donc, il y a des gens de science qui ont jugé ce hadith comme étant faible. وإن كان قد صححه العلامة ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى، ويغني عنه ما أخرجه أحمد رحمه الله تعالى في قصة نوح مع أبنائه لما أوصاهم عند الوفاة، قال لهم آمركم بلا إله إلا الله. Donc ce hadith est faible, mais d'autres textes, comme le hadith qu'a rapporté l'imam Ahmed, dans lequel l'histoire de Nuh, avant qu'il décède, il a réuni ses enfants et il leur a fait des recommandations. Il leur a dit, je vous ordonne deux choses et je vous interdis deux choses. Et parmi ce qu'il leur a recommandé, la ilaha illallah. Parmi ce qu'il a recommandé, la ilaha illallah. Et donc le sens de ce hadith est venu dans ce hadith qui est lui authentique. Et dans ce dernier, Nuh alayhi salam leur a dit, si on avait mis les cieux et la terre sur un plateau de la balance et sur l'autre plateau la ilaha illallah, la ilaha illallah aurait été plus lourde. Ou comme قال عليه السلام. Quant au sens, donc Moussa عليه السلام نبي الله ورسوله وكليمه، c'est le prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui a parlé avec Allah tabaraka wa ta'ala, comme cela est connu dans le Coran. Ici il dit, ya Rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bik. أذكرك أي أثني عليك وأحمدك به وأدعوك به أي أتوسل به إليك إذا دعوتك. Donc selon Abu Sa'id le prophète رضي الله عنهما le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Moussa a dit, ô mon Seigneur, enseigne-moi une chose par laquelle je te mentionnerai, c'est-à-dire je proclamerai et ferai tes éloges, wa ad'uk, et par laquelle je t'invoquerai, c'est-à-dire avec laquelle je pourrai faire et tawassul. Donc citer cela afin que ce soit une cause pour que tu exauces mon invocation, ma demande. Allah a dit, dis ô Moussa qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Dis la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est un dhikr mutadhamminun lid-du'a. C'est un dhikr qui contient en même temps l'invocation. Car celui qui prononce cela recherche à travers cette parole l'agrément d'Allah et l'entrée au paradis. Alors Moussa a dit, Rabbi kullu ibadik yaquluna hadha, ô mon Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Moussa alayhi salam, ici le sens voulu par sa parole n'est pas que la ilaha illallah n'a pas assez de poids ni assez de mérite, mais le sens de la parole ici c'est qu'il recherche une chose dans laquelle il aura l'exclusivité. Il voulait une chose propre à lui, pas une chose que tout le monde a et que tout le monde prononce. Une chose qui lui sera particulière. Et l'homme aime avoir une chose particulière. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. Allah dit alors, ô Moussa, si les sept cieux et leurs habitants, en dehors de moi, أيمن الملائكة وغيرهم, c'est-à-dire parmi les anges et ceux qui vivent dans les cieux, en dehors de moi, car Allah Azza wa Jal n'est pas dans les cieux à l'intérieur, mais au-dessus des cieux, au-dessus de toutes ses créatures et sa création. والأراضين السبع في كفة, ainsi que les sept terres. Donc si tout cela était posé sur le plateau d'une balance, donc si on avait mis ces grandes et lourdes créatures sur un plateau, ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن, et que la parole « La ilaha illallah » était posée sur l'autre plateau, la balance pencherait du côté où est posée « La ilaha illallah ». Et « Rajahat la ilaha illallah » « Wahadha huwa shahid » Donc « La ilaha illallah » est plus lourd que toute autre chose sur le plateau de la balance. Donc cette parole a une grande lourdeur, une grande bénédiction, et renferme le plus grand bien. C'est la hasana, la plus complète, la plus parfaite, la plus lourde, et bénéfique dans ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà. Munasabatul hadith lil-bab, quelle est la sagesse pour laquelle l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre? Fi hadha al-hadith, dhikru fadli tawhid, wa annahu la shay يعادله في الفضيلة والثقل. De ce hadith, on tire, ou bien plutôt l'auteur a cité ce hadith, car dans ce hadith, on voit les mérites du tawhid. Et que rien n'est égal à la ilaha illallah, la parole du tawhid. Et que c'est la chose la plus, ayant le plus de mérite, et la plus lourde. أيضا لو تصورت أن ذنوب العبد أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات والأراضين وعامرهن لكانت لا إله إلا الله أثقل يعني في الميزان aussi car donc aussi, l'auteur a cité également ce hadith ici car si on avait imaginé que les péchés d'un serviteur auraient été tellement nombreux au point d'avoir la lourdeur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, ben la ilaha illallah aurait été encore plus lourd que tout cela sur la balance. Comme dans le hadith qui est connu sous l'appellation de hadith al-bitaqa, hadith de la carte. Vous connaissez tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « يُؤْتَ بِرَجُلِ مِنْ أُمَّةِ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلَّةِ كُلُّ سِجِلَّةٍ مَدَّ الْبَصَرِ » Un homme de ma communauté viendra le jour de la résurrection devant toutes les créatures et on va lui déployer 99 feuillets, registres. Chacun de ces registres sera équivalent ou bien couvrira l'horizon, atteindra l'horizon. Donc tout ça rempli de péchés. 99 feuillets. Un seul de ces feuillets aura l'étendue que vous venez d'entendre. Puis on dira à cet homme, est-ce que tu renies une chose que tu trouves ici? Il aura peur et il dira non, ô mon Seigneur. Puis on lui dira, est-ce que tu as été opprimé? Est-ce qu'on a écrit quelque chose que tu n'as pas fait? Et il dira non, ô mon Seigneur. Puis, on lui dira, est-ce que tu as une bonne action? C'est le moment de la peser. Est-ce que tu as une bonne action? Alors il dira non. C'est un moment tel qu'il aura énormément peur. Il ne se souviendra d'aucune action, car il n'en a très peu, que très peu également. Puis on lui dira, mais si, tu as une bonne action auprès de nous, et tu ne seras nullement opprimé. Puis on amènera une carte sur laquelle sera écrit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul » Il y aura l'attestation de foi. Il y aura le tawhid. Et il dira « Mais que pourrait faire cette carte, cette simple carte, devant les 99 registres ?» On lui dira « Tu ne seras pas opprimé. Amène ta pesée. » Alors on mettra les 99 registres sur un plateau. Et cette carte, où il y aura le tawhid, sur l'autre plateau, « فَطَاشَتْ سِجِلَّاتْ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَ » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette carte fera, yani littéralement, voltiger les 99 registres. Et la carte aura donc été plus lourde que les 99 feuillets, remplis de péchés. Et il n'y a rien de plus lourd sur la balance que le nom d'Allah. Donc dans ce hadith, on voit qu'il n'y a rien de plus lourd que la ilaha illallah. Ma yustafadu min al-hadith, idhamu fadli la ilaha illallah. Le grand mérite de cette parole, la ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. في هذا الحديث فضل موسى وحرصه على التقرب من الله. De ce hadith on tire le mérite de Moussa et sa grande motivation dans la recherche du rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a voulu une chose particulière afin de se rapprocher davantage d'Allah azza wa jalla. فائدة لطيفة. العبادة تكون بما شرعه الله فلا يجوز الابتداع. On tire de ce hadith que l'adoration se fait avec ce qu'Allah nous a légiféré. Il y a donc ici l'interdiction d'innover dans la religion d'Allah. Subhanah. في هذا الحديث إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. Dans ce hadith, on tire qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de ses créatures. De ce hadith, on tire que le dhikr est la parole entière. La ilaha illallah. Non pas Allah, Allah, comme le font certains soufis. في هذا الحديث الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. Même les prophètes sont dans le besoin du rappel de la ilaha illallah. Plutôt des mérites de la ilaha illallah. عدد السماوات والأراضين سبع. On tire également du hadith que le nombre des terres, yani qu'il y a cette terre et qu'il y a cette cieux. Est-ce qu'on dit sept ciels ou bien sept cieux? Je ne sais pas, je vous demande. Sept cieux? Akada Salim, t'es pas un français toi. Qui est un français? Qui est français ici? Ant, on dit sept ciels ou sept cieux? Sept cieux? D'accord. Celui qui a oublié d'éteindre son GPS ou autre, prend son téléphone et l'éteint. Taïe. Walid Tirmidhi wa hassanahu an anasin عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقرابها مغفرة. At-Tirmidhi rapporte un hadith qu'il a jugé comme étant bon, que Anas radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète, j'ai entendu le messager d'Allah. Vous corrigez, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah le Très-Haut a dit, c'est donc un hadith Qudusi, un thème divin, ô fils d'Adam, ô fils d'Adam, si tu viens vers moi avec l'équivalent de la terre en péché et que tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrai vers toi avec autant de pardon. إذن وللترمذي وحسنه عن أنس هو أنس بن مالك ابن نضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة وهو ابن أم سليم رضي الله عنها. Donc ce compagnon se nomme Anas ibn Malik ibn Nadr. Il fait partie des Ansar de la tribu de Khazraj. Et il a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années. Umm Sulaym, une femme très connue, très pieuse, est venue avec son fils Anas. Alors que c'est encore un enfant, devait avoir 10 ans environ. Et lui a dit au messager d'Allah, voici mon fils Anas qui sera désormais à ton service. Elle a mis Anas ibn Malik au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde la baraka de la femme pieuse. Pourquoi est-ce qu'elle a mis Anas au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Comme ça, il va être éduqué par la meilleure créature. Il va apprendre de la meilleure créature, du plus savant. Il va prendre le comportement de la meilleure créature, du plus savant, du plus pieux. Wa hakadha. Subhanallah. Anas ibn Malik a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il nous dit, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il ne m'a jamais dit d'une chose que j'ai faite, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ou d'une chose que j'ai délaissée, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça? Pendant 10 ans. Ça montre quoi? 2 choses. Ce qu'on aurait tendance à ne pas oublier, c'est quoi? Ça montre la perfection dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, j'attire votre attention sur une chose à laquelle on a tendance à ne pas penser. Ça nous montre également que Anas ibn Malik a été de la meilleure façon au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pendant 10 ans, si tu sers quelqu'un et qu'il te fait aucune reproche, c'est aussi parce que tu as été à son service et que tu l'as servi, na'am, de la meilleure façon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui en disant, oh Allah, fais fructifier ses richesses ou bien fais qu'il soit riche. Accorde-lui beaucoup d'enfants et fais-les entrer au paradis. Anas ibn Malik a eu plus de 100 enfants. Il en a enterré de ses propres mains en grand nombre. وَهَذَا مِنْ بَرَكَةِ دُعَيْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il est mort en l'an 92. Certains ont dit 93. Et il avait dépassé les 100 ans. Certains parmi les historiens ont dit que les palmiers des gens poussaient une fois dans l'année des Ansar. Et lui, les siens poussaient 2 fois. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. Donc, Anas ibn Malik nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah le Très-Haut a dit. C'est ce qu'on appelle un hadith à thème divin, un hadith Qudusi. هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله من غير القرآن. C'est ce qu'a rapporté le prophète صلى الله عليه وسلم d'Allah sans que cela ne fasse partie du Coran. Sans que cela ne fasse partie du Coran. C'est ce qu'on appelle un hadith qudsi. وأدخله المحدثون في الأحاديث النبوية لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا. Pourquoi est-ce que les savants ont donc fait entrer les ahadith qudsiyya dans les livres de hadith, dans les recueils de hadith, alors que les hadith sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car ça a été annexé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui nous a transmis cela. Car c'est lui qui nous a transmis cela. Et les savants ont divergé quant au hadith qudsi. هل اللفظ والمعنى معا من الله أم المعنى دون اللفظ؟ Est-ce que le sens et les mots sont d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les sens, plutôt Naam, le sens vient d'Allah, mais les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela avec ses mots. Est-ce que c'est wadah? Le Coran, al-lafz wal-ma'na min Allah, le tout vient d'Allah. Lettre, mot, sens, naam. Pour le hadith qudsi, certains savants ont dit que la parole prépondérante c'était de dire al-ma'na min Allah wa al-lafz min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa illa lama istata'na an nufarriq bayna hadha wa al-Qur'an. Donc le sens vient d'Allah et les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi on peut faire la distinction du hadith qudsi avec le Qur'an. Dans le cas contraire, on n'aurait pas pu distinguer entre les deux. Il y a de nombreuses différences entre le hadith qudsi et le Coran. Parmi ces différences, نتعبد بتلاوة القرآن ولكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها وليس الأمر كذلك بالأحاديث القدسية. Donc on adore Allah Azza wa Jal de par la récitation du Coran. Et pour chaque lettre, on a dit Hasanat. Et cela n'est pas le cas pour le Hadith Qudsi. Parmi les différences, le Coran kulluh mutawatir. Bikhilaf al-Hadith Qudsi. Bikhilaf al-Hadith al-Qudsi. Yadkhul fi ahkam al-mustalah. Qad yakun sahihan, mutawatiran, ahada, ضعيفا حسنا وهكذا. Tout le Coran a été rapporté par de nombreuses chaînes de transmission. Contrairement au hadith qudsi, il est sujet à la terminologie du hadith. Il peut être authentique, il peut être faible, il peut être bon, il peut être rapporté par un grand nombre de compagnons ou non. Donc il a les règles du hadith. Parmi les différences, tu ne peux pas lire le hadith qudsi dans la salat. Tu ne peux pas lire le hadith qudsi dans ta salat, contrairement au Coran. Tu peux rapporter le hadith qudsi selon le sens rapproché, comme c'est le cas dans les hadiths, contrairement au Coran. Tu ne peux pas rapporter le Coran selon le sens rapproché. C'est l'heure du hadhan. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a cité mahallu shahid. Il n'a pas cité tout le hadith. Wa min bab al-fa'ida, une fa'ida, ce hadith est le dernier hadith de l'arba'in nawawiyya. Ce hadith est le dernier hadith de l'arba'in nawawiyya. Du livre des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Il y a combien de hadiths dans le recueil de l'imam al-Nawawi? Les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, il y en a combien, Adam? Comment? 40? C'est un piège. Okay. 42, Allah s'il vous plaît. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité le témoin dans le hadith. Il n'a pas cité tout le hadith. أما بداية الحديث يا ابن آدم هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Donc le hadith dans sa totalité, le hadith d'Anas, pas le hadith d'Abi Huraira. Naam. Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et mettras ton espoir en moi, je te pardonnerai les péchés dont tu te seras chargé, sans me soucier de leur grand nombre. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent tout l'étendue visible du ciel, et qu'alors tu implores mon pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi, ayant rempli la terre de tes péchés, et qu'alors tu me rencontres cependant, que tu n'associes personne d'autre à moi, je te donnerai de quoi la remplir autant de pardon. Yabna Adam, lau ataytani, ay ba'd al-maut. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi, c'est-à-dire après la mort, yawm al-qiyamah, yawm al-qiyamah, bi qurab al-ardi khataya, qurab ay mil, mil'uha, ou ma yuqaribu mil'iha, fil thiqal wal-hajm. Ô fils d'Adam, si tu viens vers moi avec l'équivalent de la terre en péché, ou ce qui se rapprocherait de la terre en péché, donc que ce soit dans la lourdeur, ou la grandeur, ou l'étendue, ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, et que tu me rencontres sans rien m'associer, donc shay'an nakira fi siyaqi an-nafi ya'um ash-shirk al-akbar wal-asghar, donc et que tu me rencontres sans rien m'associer, c'est-à-dire ni shirk akbar ni shirk asghar, ni le grand polythéisme majeur ni le mineur. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, donc je viendrai vers toi avec autant de pardon. المغفرة هذه المادة تدل في أصل على الستر والوقاية, donc غفرة à la base ce mot indique fait de cacher une chose et de la préserver. وَمِنْهُ الْمِغْفَارُ, par exemple, el-mirfar, le casque qu'on porte dans la guerre, car ça cache la tête et ça la préserve des coups. Wa shar'an tajawuzullahi an khataya wa dhunubi ibadi. Ce fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala cache, yani siturullah wa tajawuzu. C'est le fait qu'Allah azza wa jal cache les péchés de son serviteur et lui efface cela. Donc dans lorsque tu dis astaghfirullah, il y a plusieurs choses. Tu demandes à Allah premièrement qu'il te cache tes péchés. Deuxièmement, qu'il te les efface. Troisièmement, la notion de wiqaya, qu'il te préserve des effets néfastes découlant de la désobéissance, car les péchés ont des effets sur le serviteur, dans son cœur, ses membres, sa subsistance et autres. Donc dans ce hadith, on nous montre l'étendue de la miséricorde d'Allah, de sa bonté, de son grand pardon, subhanahu wa ta'ala. Et quel que soit le nombre de tes péchés, tant que tu te préserves du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Munasabatu al-hadith lil-bab, fadlu al-tawhid wa annahu sababun li takfiri al-dhunub. Donc dans ce hadith, on voit clairement que le tawhid est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Ma yustafadu min al-hadith, donc ce qu'on tire du hadith, fadlu al-tawhid wa kathratu thawabi, les mérites du tawhid et la multitude de bienfaits découlant du tawhid. Si'atu rahmatillah wa judih wa afwih. On voit la grande miséricorde d'Allah, sa grande générosité et son grand pardon. Fi radd ala al-khawarij wa al-mu'tazila. Il y a une réfutation contre al-khawarij et al-mu'tazila qui disent que celui qui meurt avec des grands péchés ira en enfer éternellement. De ce hadith, on voit que c'est faux. Celui qui meurt, même s'il a des grands péchés, tant qu'il meurt sur le tawhid, sa place finale sera au paradis. Fi hadha al-hadith ithbat sifat al-kalam lillah. De ce hadith, on tire l'affirmation de la tribu d'Allah qui est la parole. Allah parle comme il le veut, quand il le veut, à qui il le veut, subhanah. Fi hadha al-hadith shartu sihhat al-tawhid wa huwa tarku ash-shirk. De ce hadith, on tire que la condition d'authenticité du tawhid est le fait de délaisser le shirk. Ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Il faut délaisser le polythéisme. Fi ithbat al-ba'th wal-hisab wal-jaza. De ce hadith, on tire l'affirmation de la résurrection et du jugement. Donc le tawhid est la plus grande chose qui efface les péchés. Plus encore, les ulama ont dit que tawba. Et tawhid, c'est une hasana tellement immense qu'elle efface plus les péchés que le repentir. Que le repentir. Donc on s'arrête là. Et on continue, inshallah, le prochain chapitre. Demain. Bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala. As'alullah, bi'asma'il husna wa sifatil ula. An yufahimana at-tawhid. Wa yaj'alana min ahli at-tawhid. ويجعلنا ممن حقق التوحيد وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك